Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. En 1945, au Havre, l'heure est à la reconstruction d'une ville qui n'est plus qu'un champ de ruines. Son port, au quai dévasté, est encombré de centaines d'épaves. Il faudra 20 ans pour reconstruire l'outil portuaire du Havre. L'archive qui suit permet de se faire une idée du chantier titanesque engagé sur le port au lendemain de la guerre. Le journaliste Jean Quittard allait à la rencontre de ceux qui y œuvraient alors. Le 12 septembre 1944, la ville et le port du Havre ont été libérés. Mais le prix de cette délivrance a été très lourd. Le Havre a beaucoup perdu de son caractère d'autrefois. Ce n'est plus le grand port aux quais noyés dans la brume, car la plupart des quais, malheureusement, sont dévastés. Autour des installations portuaires, il n'y a plus de ces petits bistrots où des accordéonistes et des filles berçaient la nostalgie des dockers et des marins. Plus de caboulots, plus d'hôtels, plus d'éclairage le soir dans les rues, où l'on ne rencontre que des soldats américains attendant le moment de s'embarquer pour regagner leur pays. J'ai parcouru rapidement la ville et le port pour avoir une première impression d'ensemble. Et j'ai constaté que les Havrais s'étaient remis courageusement au travail pour relever leurs ruines. Partout, de petites maisons en briques sont construites avec des matériaux récupérés sur les chantiers de déblaiement. Mais le Havre n'existe que par son port et j'ai demandé à M. Calais, directeur du port autonome, de dresser le bilan des destructions. Écoutez-le. Le Havre a subi 117 bombardements aériens. Dans la ville, sur 19 500 maisons d'habitation, 12 500 sont totalement détruites. 2 500 seulement sont à attaque. Mais le port a surtout souffert des destructions que les Allemands ont effectuées avant leur reddition. Le Havre est sur le continent le port qui a subi les plus graves dommages. Ceux-ci peuvent être évalués à 10 milliards de francs environ. Vous avez bien entendu, 10 milliards de dégâts. Le chenal d'accès a été obstrué par le sabordage ou le coulage de 300 navires. La presque totalité des ponts et des écluses a été détruite ou endommagée. Tous les quais de marée ont été rendus inutilisables. Sur les 260 grues de quais et les 17 grues flottantes que comportait avant la guerre l'outillage public du port du Havre, il ne subsistait plus à la libération qu'un ponton grue de 2 tonnes. Les 2/3 des hangars et les gares maritimes à passagers sont totalement détruits. Et vous pensez bien que les travaux de restauration ont rencontré jusqu'à présent d'énormes difficultés. Mais la période de reconstruction vient de s'ouvrir et des centaines d'ouvriers travaillent dans l'immensité du port sur les chantiers de déblaiement, de renflouement et de reconstruction. Déjà, 90 épaves ont été relevées, représentant le 1/3 du nombre et le 1/10 du tonnage des bateaux coulés. À la fin du mois, les travaux les plus urgents de rétablissement des écluses et des ponts seront achevés. De nombreuses brèches ont été comblées dans les quais. Un poste de 300 mètres de longueur permettant la réception des grands paquebots transatlantiques a été reconstitué. Le port du Havre dispose actuellement de 10 500 mètres de quais en état. Mais quel est le trafic actuel du port du Havre? Laissons encore une fois parler M. Calais. Actuellement, le port du Havre, désigné pour le redéploiement des armées américaines, assure un trafic intense de personnel. Depuis la libération, 2 millions de tonnes de marchandises militaires ont été déchargées. 1 200 000 hommes ont été débarqués et autant embarqués. À la fin du mois de février dernier, nous avons reçu les premiers navires du trafic civil. Ce dernier s'est rapidement accru et au cours du mois d'octobre, il a dépassé 250 000 tonnes, c'est-à-dire le 1/6 du trafic de l'ensemble des ports français. Il est certain que cette activité s'accroîtra notablement lorsque prendront fin prochainement les opérations de l'armée américaine auxquelles une grande partie des installations de notre établissement est actuellement affectée. Car le port du Havre, par sa situation géographique, par ses profondeurs, par la qualité de son travail, conserve tout son pouvoir d'attraction sur le trafic maritime. Il me reste une dernière question à vous poser. Pourriez-vous m'autoriser à pénétrer avec mon micro à l'intérieur du port? Mais certainement, et je vais appeler tout de suite un de nos ingénieurs, M. Pouyol, qui vous pilotera. Nous avons commencé notre visite en venant devant le bassin de la Grande Marée, non loin de l'ancienne gare transatlantique. Sur notre droite, nous avons le large. En face de nous, l'estuaire de la Seine. Nous avons franchi, avec un petit canot, les quelques mètres qui nous séparent du bord des quais éboulés, et nous sommes sur un ponton. Un ponton de chantier de renflouement d'épave. Nous demandons immédiatement au chef de ce chantier, qui est M. l'ingénieur de Vop, de nous dire en quoi consiste le travail qu'ils ont entrepris en ce moment. Mais principalement, c'est dégager l'épave qui est complètement couvert des débris du quai, de ces débris. C'est une épave qui est formée par quoi? Mais c'est un chalutier transformé. De quelle longueur? Qui fait à peu près 50 mètres de long et 8 mètres de large. Et qui est coulé par quelle profondeur? Qui est coulé dans une profondeur de 20 mètres environ à la pleine mer. 20 mètres. Alors vous essayez maintenant de l'élinguer, c'est-à-dire de l'accrocher par le fond? Oui, d'approcher la cage d'hélice pour passer des élingues là-dedans, pour soulager l'arrière, pour passer d'autres élingues, pour élinguer le bateau entier. Dites-moi, je vois qu'à côté du ponton, vous avez des barcasses de scaphandriers. Vous avez combien de scaphandriers avec vous? Il y a 4 scaphandriers qui travaillent dessus actuellement. Et je suis obligé de dégager le pont du bateau à la main à cause des munitions qui sont dessus. Mais comment se présente l'épave par le fond? Mais il est couché droit dessus. Et il est recouvert par quoi? Par rien? Ah non, il est recouvert par les quais, par les débris du quai. Par les débris du quai qui... Le quai qui est tombé dessus. Et puis en plus de ça, il y a une rampe à canard, une rampe pour le débarquement des auto-amphibiens américains qu'on a mis dessus et qui sont tombés en plein justement sur l'épave. Alors tous ces déblais, nous sommes obligés de les enlever à l'aide d'un suçon. Il faut que j'explique qu'une rampe à canard est une sorte de route en pente douce qui, partant du niveau de l'eau, aboutit en face de nous à une cinquantaine de mètres jusqu'au terre-plein où se trouvaient autrefois les hangars, mais terre-plein qui est aujourd'hui totalement dévasté. Et est-ce que je pourrais voir, M. De Vogue, l'un de vos scaphandriers lorsqu'il sort? Oui. Mais auparavant, dites-moi, en quoi consiste ce jet de matériaux, de vase qui sort par cette espèce de gros tuyau? C'est un suçon qui enlève les briques qui sont sur l'épave, qui sont à côté de l'épave, qui nous permet d'atteindre la cage d'hélice pour mettre nos élingues. Et vous aspirez ces matériaux, ces débris, mais au moyen de l'air comprimé que vous avez là? Oui, l'air comprimé qui chasse l'eau et qui aspire les briques. Alors, voulez-vous me conduire auprès de votre scaphandrier? J'en vois un qui sort, là, précisément. Oui. Tenez, c'est le moment d'en profiter. Le voici qui a son casque sur la tête. Bonjour, monsieur. Bonjour. Dites-moi, quelle est d'abord la sensation que vous éprouvez quand vous rentrez dans l'eau, puis quand vous en sortez? Ben, quand je rentre dans l'eau, je trouve que l'eau est bonne. Seulement, quand je sors, j'ai très froid aux mains. Ah oui, parce que l'eau est froide, évidemment. Non, l'eau est bonne. Seulement, c'est l'air qui est plus fort que... Oui, aujourd'hui, il y a une bise assez fraîche, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que vous voyez par le fond, exactement, en ce moment? Ben, en ce moment, je vois la cage avec les chalutiers. Et je vais passer les élingues dedans pour permettre de le relever avec un chaland que nous avons disposé spécialement pour ça. Bon, je vous remercie. Je vois, il tremble, le pauvre malheureux. Dites-moi, monsieur De Vogue, combien pensez-vous qu'il vous faudra de temps pour sortir cette épave? Mais vous travaillez là depuis combien? Nous sommes dessus depuis 2 mois environ. Et quand pensez-vous avoir terminé? Oh, encore au moins 2 mois. Eh bien, je vous remercie. 2-3 mois. Je vous remercie. Ici, nous sommes maintenant dans un chantier de démolition de blocos, car les Bosch avaient installé de nombreux blocos sur le port du Havre. Et il y a une cinquantaine d'ouvriers qui travaillent à démolir ce que les Bosch avaient construit. Mais je m'adresse au chef de chantier, au contremaître, pour lui demander quelles étaient les caractéristiques de ce blocos, qui me paraît avoir une dimension d'environ 15 mètres de côté. 15 mètres, oui. Les murs, avec quelle épaisseur? 3 mètres. 3 mètres de chaque côté? 3 mètres de chaque côté. Le plafond que je vois maintenant, puisqu'on voit le bâtiment en coupe, 2 mètres. Avait 2 mètres d'épaisseur. 2 mètres d'épaisseur. Sur une charpente à double T. C'est ça, oui. Et 1 mètre 30 de radius. Et que faites-vous de ces matériaux maintenant? Ah, ben, ça sert pour remblayer le port, là, pour. Enfin, pour les choses. C'est transporté par brouette et par petits wagonnets. Sur le tas que je vois là-bas. C'est ça, oui. Et qui est ensuite enlevé par camion. Par camion, oui. Alors, tous ces ouvriers qui travaillent là, ce sont des gens du Havre, des terrassiers spécialisés? Oui, c'est ça. Aux abords, quoi. Aux abords du Havre. Ce celui qui manipule la pelle, là, ça doit être assez fatigant de faire ça toute la journée, n'est-ce pas? Ah oui. C'est assez fatigant, mais enfin... Assez fatigant. Et celui qui est là avec son chalumeau, c'est un chalumeau à soudure, à air liquide, ça? À air liquide, ça, oui. Voyons, rapprochons-nous un peu pour entendre son appareil. Il découpe avec le chalumeau les ferrailles qui étaient plantées dans le béton. Oh, mais les étincelles jaillissent. Et je n'ai pas de lunettes comme lui pour me préserver les yeux, alors il est plus prudent qu'il me recule un peu. Et ça découpe comme du fil à coudre. Mais il y a longtemps que vous travaillez à ce blocos? Ça fait environ un mois et demi. Combien faut-il de temps pour le supprimer? Ah, je pense encore un mois. Ça encore un mois. Eh bien, je vous remercie, je vais voir un autre chantier maintenant. Mais il ne s'agit pas de renflouer, de reconstruire. Il faut aussi exploiter les installations portuaires. Et sur le quai de Gironde, le long du bassin Vétillard, qui, avec le bassin de l'Eure et le bassin Bello, est le seul à pouvoir recevoir des cargos, nous assistons maintenant au déchargement du Gabriel Guistot, qui apporte des demi-mis de vin. Ces demi-mis sont pris dans la cale du cargo et au moyen d'une grande grue. Soulève ces demi-mis pour les amener sur les camions, sur les remorques de camions qui sont sur le quai d'où nous vous parlons. Voici le demi-mis qui descend du haut de la grue et qui arrive sur la remorque. Il est réceptionné par les camionneurs qui décrochent les griffes de la grue. Celle-ci reprend son bien. Le demi-mis est calé sur le camion. Cependant que, un peu plus loin, le cargo Aldebaran de Marseille décharge des maisons préfabriquées pour les sinistrés. Et il règne une assez grande activité sur ce quai de Gironde, le long du bassin Vétillard. Le camion qui a été chargé maintenant va démarrer et va faire place à un autre qui attend sa part également. Et nous avons une impression assez réconfortante après toutes les ruines et toutes les destructions que nous avons vues dans l'immensité du port du Havre. Venez d'entendre Reconstruction du port du Havre, proposé par le journaliste Jean Quittard, diffusé pour la première fois le 7 décembre 1945 sur la chaîne nationale. Vous pouvez réécouter cette émission durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.